L'amour au bout du chemin, écrit par Jean Diars, lu par Armen pour audiocité.net. Si j'avais mes 15 ans, je te regarderais dans un coin de bistrot, comme à la dérobade avec ton casque d'or. Nous referions le monde avec tous ses copains. Je glisserais un mot, peut-être un poème écrit en bleu de cyan dans ton sac en tissu, fixant un rendez-vous où tu ne viendrais pas. Et j'irais voir ailleurs où je ferais l'amour de mon côté des Pyrénées, et tu irais de l'autre pour en faire de même. Peut-être qu'après tout, nous nous serions ratés. La vie est ainsi faite. Si j'avais mes 20 ans, mes 30, mes 40, qui dit mieux, mes 50, nous nous serions croisés. Je t'aurais vu superbe avec ton casque d'or. Nos lieux seraient les mêmes et nos destins aussi. Tu aurais fait des hommes, j'aurais fait tant de femmes, et même des enfants comme des vrais cadeaux, chacun de son côté. Et nous aurions marché sur les mêmes chemins, aimer les mêmes rêves, partager des idées de révolte en amour et de combats en larmes. Nous aurions tous les deux parcouru tout ce temps comme enfants étonnés dans ce monde de grands. Peut-être qu'après tout, nous nous serions ratés. Et me voilà ici, au bord de mes 60, où je parle au présent. Je te vois vivante et porteuse d'espoir avec ton casque d'or. Il reste tant à faire de tout ce qui fut fait ou bien ne le fut pas. Il y a les instants de ce vrai rendez-vous, le possible rendu par nos regards sur nous. Cette infinie patience et cette intelligence, tous les sens en éveil et la curiosité, la lucidité douce de ceux qui ont vécu, juste le temps, fut-il plus court, de l'évident et du partage. Nous savons maintenant tout ce qu'il faut savoir pour ne pas nous rater. Il nous reste demain. Et j'y pose, léger comme une plume au vent, les mots qui se riaient que l'on dit aux promises et les bancs publiés en rescapés de pierre. Comme une idée de fête, il n'y avait des dieux que la trace des hommes et toute leur histoire. Cet endroit bien précis, une borne au chemin, un esprit sur les murs en guise de croyance, un lien des profondeurs avec les gens d'ici, un asile d'amour qu'on ne détruirait pas. Qu'on me disperse ici à en pousser les pierres, peut-être que le vent consentira au large et me tiendra la main. Un peu plus loin, là-bas, juste à côté du phare, j'en aurais mérité. Rien que de bien ordinaire, tu sais, ce moment très précis où la porte s'entr'ouvre, quand tu viens te blottir, que les corps se retrouvent, que je peux serrer fort. Les premiers mots qui viennent, l'odeur de tes cheveux, tu sens si bon. Les mains, surtout les mains, et les jours, les nuits qui s'en viennent, s'en suivent. Cette façon à toi de lasser tes chaussures, tous les chemins de terre, les villages arpentés, tout ce temps de partage, la salade aux lentilles, rien que de bien ordinaire, je sais. Mais le sais-tu au moins que ce que je préfère, au-delà de ton corps et nos jaillissements, ce sont tous ces moments d'infini bavardage où nous faisons le monde et confions nos secrets, tous ces détours de toi où tu me laisses accès, la parole de tout à n'en jamais finir en regardant la mer. Je te préviens, je vais parler d'amour, triste ou gai, je ne sais. Un long reflet pèlerinage, dans le taux, à chaque pas, à chaque ciel, sifflet du vent, murmure d'eau Il se faisait prière, apparition du beau. Ici, tu sais, je te faisais photo. Le soleil à peu près était de mon côté. J'aurais sans doute pu aller un peu moins loin, mais j'ai fait le tour, on ne sait jamais bien, peut-être ce que fait le destin. Sur le retour au pont, un oiseau saluait. Comme un murmure au tunnel des mots dans les sous-bras des arbres, frémissement. Une phrase de rien qui vient de l'infini, l'éternité de soi, aussi près de la source, un filet d'air dans le silence entre rochers, du frais qui glisse au chaud du jour, en jour d'été, transparent comme un « je t'aime ». J'en suis souvent au temps des rêves, gens de la lune, fous rires intimes que nul ne voit, loin, si loin, tête de nuit avec mes mots, musique qui tourne, ribambelle, ritournelle, ailleurs. Et me reviennent en boucle ronde au beau milieu des drames, des jeux de rôle et du chacun pour soi. Comment donc croyez-vous que je pouvais écrire ? Je suis entrée au frais. La petite chapelle, ses bancs au fond de l'ombre, nulle flamme ou lumière, un temps assis ou se poser, un étrange silence où sont venus passer comme une farandole les images sacrées de mes beaux temps de vie. Des matins enserrés, une caresse en nuque, des départs vers des îles, des nuits à se parler, à caresser les rêves, des jours rythmés à mots, une voix si légère qui vous disait « coucou », une chanson sans orgue en baiser sur la bouche, ou même pire, une femme là-bas qui allumait un cierge. Et en me réveillant, la vie était légère, j'ai repris le chemin et remis ma casquette. Le soleil brûlait fort. Juste après le tournant tout au long de la mer, il y aura la lumière et le vent. Je sortirai de l'ombre, ni devant ni derrière, je te tiendrai la main, juste après le tournant. Je t'attendrai là, au sommet de l'histoire, au plus haut du chemin, assis à se poser un peu, le temps de prendre souffle. Un peu plus bas, tout se fera reflet de cet arbre à tes yeux, lumières en ricochet, galipette du vent au découpé des feuilles, bruissement sur silence. J'attendrai, je parlerai d'amour. Nous avons maintenu les codes des distances, fil ténu des espèces. Jamais, au grand jamais, dans le bout de la marche, je n'aurais pu penser à un regard si doux, un pelage si tendre. Et nous avons parlé de nos destins carottes, des parcages obligés, chacun en son destin, quand bien même, peut-être c'était moi le plus libre. Lorsque tu m'as montré au tout près la chapelle d'un simple coup de tête, j'ai préféré en rire et laisser les pardons se faire au loin de moi. J'ai bien senti alors que tu m'aurais suivi, j'aurais porté tes guêtres. Mais le fil entre nous était irréductible et tu m'as salué. Moi, je t'ai caressé au-delà des limites. Sans doute un autre jour dans le réincarné. Lettre. Je t'écris de mon lointain, de cette approximation floue qui fut mon temps, dans l'avant que tu n'y viennes. D'autres écrivent dessous l'arbre. Il fait trop chaud pour y rester. J'ai pris ma plume, l'encrier, toutes les ombres sur la table. Je suis entré dans le silence où rien ne bouge hors mon sang. Je t'écris de cette enfance barricade qui fut confiante en ses prémices. Il y faisait de la tendresse, des tours de mots tout près des lampes, des rires éclats les soirs de fête. Même l'impasse n'en ôtait rien. Un jour, quelqu'un a tout sali, d'autres, après, ont tout trahi. Il n'y eut plus dès lors que des empêchements. Je t'écris de tout ce qui s'ensuit, du constant décalage entre le vrai et l'apparence, de ce jeu de miroir tout en renvoi d'ombrage où je ne montrais rien, jusqu'au point bien précis où j'en perdis moi-même la conscience du teint. Le reflet et l'image en murailles intimes, mes mots à l'intérieur. Je t'écris de ces femmes multiples et superbes, où je n'ai rien montré hors quelques jeux de rôle, où je n'ai rien donné pour ne pas qu'on me prenne, qu'on ne me vienne pas envahir mes secrets, ceux tout au fond desquels il était confortable, tant le but recherché était de ne pas vivre pour ne pas avoir mal. Avant que tu ne viennes, au moment où il fallait, pour libérer la vie et abolir les digues, comme un retour au vrai, une boucle bouclée. Et si j'écris ce soir au rebord du silence, tout en bout de l'attente, dans la longueur de toi, c'est pour que tu me saches et puis que tu me viennes, quand on en est au bout des chemins de traverse, tous les murs écroulés, toute défense ouverte, les distances et les mots prennent un autre sens. Il n'y a que l'urgence à poster cette lettre, en folle envie de vivre, et le temps de le faire autant qu'il y en aura.